petit ou géant, et c'est à Hollywood qu'ensemble on va trouver la super production d'été. La barbe zéro, on cherche à la voir, elle s'est décrochée, il faut la retrouver. Mais faites attention à ses inventions, du matin au soir, c'est toute une histoire. C'est le temps de rêver, et d'oublier le passé, et on va se transformer en jambon méchant, sur tous les écrans, petit ou géant, et c'est à Hollywood qu'ensemble on va tourner la super production de l'été. Nos trois compagnies se sont réunies, Citron, Bonbon, Pluton, Production. Au bout de la journée, on est fatigué, 8 heures au lit. C'est le temps de rêver, d'oublier le passé, on va se transformer en jambon méchant, sur tous les écrans, petit ou géant, et c'est à Hollywood qu'ensemble on va tourner la super production de l'été, la super production de l'été, la super production de l'été, la barbe Gérard contre-attaque.